plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie, je serai avec vous pour la prochaine demi-heure afin de jaser de vieux souvenirs du grenier. La semaine passée, on a parlé de bande dessinée. Si vous l'avez manqué, l'épisode ainsi que les précédents est disponible dans vos applications de balado. Sur la page de l'émission du grenier sur le site de CIBL, vous trouverez toute l'information pour une réécoute dans Apple Podcasts, Spotify ou l'application de votre choix. Et cette semaine, quelle vieille boîte du grenier ouvre-t-on ensemble? Eh bien, c'est celle de mes films de jeunesse, les films qui ont marqué mon adolescence. Chez moi, j'ai un disque sur lequel je rassemble depuis des années tous les films que j'adore. Et cette semaine, on pige là-dedans pour se remémorer de bons vieux films. Et pendant l'écoute, essayez de deviner à quel film cette chanson se rattache. Trop difficile, la chanson de Goonies Are Good Enough, interprétée par Cyndi Lauper. Et oui, cette chanson, c'est la chanson thème du film des Goonies, un film produit par Steven Spielberg en 85. Et ça raconte quoi? Ce film raconte l'histoire d'une bande de gamins surnommés les Goonies qui trouvent une vieille carte au trésor et partent à la recherche du butin de Willy le Bong. Et durant leur quête, il arrive quoi? Eh bien, ils vont tomber sur un labyrinthe de pièges, des passages secrets et ils vont devoir faire face à la famille des Fratelli, des criminels bien décidés à trouver le trésor avant eux. Et bon, pourquoi ce film a-t-il marqué toute une génération? D'après moi, eh bien, c'est parce qu'il capture bien l'esprit de l'enfance. Là-dedans, il y a quoi? Il y a de l'amitié, du courage, un rêve d'aventure et surtout cette idée que même les plus petits peuvent vivre une épopée digne d'Indiana Jones. Sinoc, tu vas vivre avec moi maintenant. Oh? Oui, je vais m'occuper de toi. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, Choco! Oh, je t'aime, Sinoc! Dans cet extrait, un personnage marquant du film, Sinoc. Savez-vous que le personnage de Sinoc, avec son visage difforme, était en réalité un ancien joueur de football américain? C'était l'acteur John Matuszak qui avait été une vedette de la NFL et qui devait passer plus de 5 heures par jour en maquillage pour ressembler à Sinoc. Et, bon, sachez que son faux œil était commandé à distance par des techniciens pour bouger différemment de l'autre. Et malgré son apparence terrifiante, Sinoc est devenu le héros préféré de beaucoup d'enfants, preuve que parfois, le monstre est bien plus humain que les vrais méchants. Un autre petit détail que j'ai ramassé à propos de ce film, le navire de Willy le Bong, ce n'était pas une maquette. Non, il mesurait 105 pieds de long avec plus de 6000 pieds carrés de tissu pour ses voiles. Construit dans l'un des plus grands studios d'Hollywood, c'était un vrai géant des mers sous un toit de cinéma. Et le plus beau, eh bien, les jeunes acteurs l'ont découvert pour la première fois en plein tournage. Donc, pas d'effets spéciaux, pas de triche, cet émerveillement qu'on voit dans leurs yeux dans le film, eh bien, c'est 100% vrai. Certains en ont même oublié leur réplique. Mais, à la fin du tournage, aucun parc n'a voulu de ce décor immense et l'équipage a dû le détruire. 6 millions de dollars de rêve partis en fumée. Maintenant, un autre film culte de ces années. Saurez-vous en découvrir le nom à partir de cet extrait? Ici, j'ai choisi une scène mémorable de ce film. La descente dans la boue. Joanne, qui est jouée par Kathleen Turner, et Jack, joué par Michael Douglas, dévalent ensemble une pente boueuse interminable, terminant leur chute enlacée. C'est une scène plutôt comique. On l'écoute. Est-ce qu'il y a des choses de valeur dans cette valise? Non. Si, tous mes vêtements, mes affaires. Vous avez un parapluie? Non. Est-ce qu'il y a des chaussures de marche? Elles sont toutes comme ça. Comme ça, on perdra moins de temps. Bon, c'est beaucoup plus long cette descente dans la boue. Elle est interminable. Si vous ne l'avez pas reconnue, on peut voir cette scène dans le film À la poursuite du diamant vert, tourné en 84, un classique des années 80 qui nous transporte directement dans la jungle colombienne avec des héros qu'on adore. Dans ce film, on suit Joanne Wilder, romancière new-yorkaise timide qui se retrouve en Colombie pour sauver sa sœur kidnappée. Sur place, elle rencontre Jack Colton, aventurier débrouillard, et ensemble, ils partent à la recherche d'un diamant légendaire. Entre jungle, cascade et méchants, excentriques, le duo va devoir se battre, glisser dans la boue et même affronter un crocodile pour triompher. Ce film, d'après ce que je lis, a été tourné principalement au Mexique. Les conditions étaient parfois difficiles, jungle dense, pluie, serpents et moustiques à profusion. L'actrice Kathleen Turner a raconté que l'humidité faisait coller les vêtements sur la peau, ce qui donnait un aspect encore plus réaliste à la sueur et à la fatigue des personnages. Le film a aussi donné lieu à une suite en 85, Le Diamant du Nil, avec le même trio d'acteurs à succès, Kathleen Turner, Michael Douglas et Danny DeVito. Et pourquoi je vous parle de ces vieux films aujourd'hui dans le Grenier Pop? Eh bien, ce sont des films que je considère comme des classiques et qui méritent, je crois, d'être vus et revus. Mais en tout cas, je ne me prive pas, tous les films dont on va parler aujourd'hui, je les ai vus plusieurs fois déjà. Maintenant, un autre classique. Dans ce prochain film, il y a plusieurs choses que je trouve mémorables, mais j'ai choisi de nous rappeler le début. Le film commence par une scène où Harry Lattrick débute son émission sur les ondes radio par un message à l'Amérique que je trouve toujours d'actualité. Vous trouvez pas, vous, que l'Amérique est vraiment dans une merde totale? Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le pays est à deux doigts de dire ras-le-cul, il y en a marre. Quoi, c'est pas vrai, tout est pollué. L'environnement, le gouvernement, les lycées, il y a le choix. Tiens, en parlant de lycée, l'autre jour, je glandais dans les sacro-saints couloirs, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une vie après le lycée? J'ai déjà du mal à imaginer demain, alors une année entière de cette merde. Ouais, dans le mille et mille. C'est encore moi et mes conseils de savoir-vivre à l'usage de tous, bande de petits vénards. Vous tous, braves gens qui habitez America the Beautiful. Voyons voir, on est sur 92 FM ce soir. Pour l'instant, c'est une jolie petite fréquence bien peinarde. Personne pour nous faire chier, le paradis. Eh oui, les gourdins, vous avez tout bon. Ce soir, je bande comme un piano à queue, alors restez branchés parce que votre pote Harry Lattrick a des tas de trucs à vous dire, comme de bouffer des céréales avec une fourchette et de faire vos devoirs dans le noir. Pump Up the Volume, un film de 90. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce film. Beaucoup trop. Et ça parle de quoi? Eh bien, Mark Hunter, incarné par Christian Slater, est un adolescent comme les autres. Enfin, presque. Timide et frustré par la rigidité de son lycée et le conformisme ambiant, il décide de créer une station de radio pirate directement depuis sa chambre. Et bon, à travers les ondes, il devient Harry Lattrick, une voix provocante, drôle et engagée qui donne aux ados le courage de dire ce qu'ils pensent vraiment. Et le message d'Harry dans ce film est bien encourager les jeunes à s'exprimer, à ne pas rester silencieux face aux injustices et aux absurdités du quotidien. Un message qui, même s'il date de 90, reste toujours aussi pertinent de nos jours. Une autre chose qu'on retient de ce film, c'est surtout l'utilisation de la musique d'un de nos grands auteurs montréalais. Vous savez, ces chansons qui restent en tête, qui donnent tout de suite le ton et l'ambiance d'une scène. Et oui, si vous avez vu ce film, vous savez de qui je parle. Cet artiste a su, à travers sa voix et ses textes, capturer un mélange unique de mélancolie et d'ironie, exactement comme le film lui-même. On peut l'écouter dans l'extrait que je vous propose maintenant, et je parie que vous reconnaîtrez tout de suite ce son si particulier. Alors même que le très mystérieux Harry se prépare à prendre l'antenne anonymement, pour perturber ce qui était autrefois une paisible communauté. C'était Shep Shepard qui vous parlait en direct de Paradise Hills, Arizona. C'est à vous, Bill. Merci, Shep, pour ce train. Ouais, Bill, c'est à vous. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for. If it be your will. Everybody knows that the days are loaded. Everybody roll. Cette musique de Leonard Cohen accompagne ce film à la perfection. Maintenant, quelque chose de plus drôle. Et un peu plus récent, on parle d'un film de 2004. Un film qui reste toujours aussi savoureux. C'est un peu comme du bonbon patate à Noël. On en profite à chaque bouchée. Avec son humour absurde, je vous invite à trouver le nom à partir de l'extrait. Ignorant le mal, ne craignant que la nuit, c'est ici que vivent nos ancêtres. Les premiers hommes. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment, encore absent, celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. comme par hasard. Toujours ensemble, ces deux-là. C'est le film Rrrr. Il y a 35 000 ans, à l'âge de pierre, deux tribus voisines vivaient en paix à un cheveu près. Pendant que la tribu des cheveux propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle le secret de la formule du shampoing, la tribu des cheveux sales se lamentait. Donc, son chef décida d'envoyer un espion pour voler la recette, mais un événement bien plus grave allait bouleverser la vie des cheveux propres. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime venait d'être commis. Donc, au temps des mammouths commence la première enquête policière de l'histoire et évidemment, c'est pas très sérieux comme enquête, c'est plutôt amusant. Ce qui est étonnant, à mon avis, c'est que ce film a reçu de très mauvaises critiques des médias à sa sortie. J'ai été voir sur le site Rotten Tomato et il y a une cote de seulement 58%, ce qui veut dire que 58% des critiques ont donné une cote positive à ce film, tandis que 42 étaient négatives. Donc, j'imagine que ce film n'est pas pour tous, mais moi, j'ai adoré au point de le classer dans mes classiques que j'aime revoir. Donc, peu importe les critiques, je vous le conseille. Si vous aimez les situations un peu absurdes et les histoires où on ne se casse pas trop la tête à comprendre. Maintenant, un film de Noël? Certains diront que oui, d'autres que non. C'est toujours un débat 37 ans après sa sortie. Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à... Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. Vous auriez dû faire une note de service. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Comment est-ce qu'il peut savoir? C'est très délicat de votre part. Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant. Pour un gardien de la sécurité. Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Allez voir où sont les autres. Ne vous servez pas de la radio. Vérifiez s'il a menti pour Marco et voyez si personne d'autre ne manque. Monsieur l'invité surprise. Vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. À moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippie-ki-yay, pauvre con. Yippie-ki-yay! Et oui, que veut dire cette expression? Moi, je ne savais pas. Je me suis renseigné pour le savoir. Et ce serait une expression américaine un peu vieille du temps des cow-boys qui signifie quelque chose comme « Oura » ou « Prends ça », mais ici dans le film avec un côté plus agressif et ironique. Donc, on était dans un extrait du film « Die Hard » ou « Piège de cristal » en français. Ici, John McClane, joué par Bruce Willis, est un policier de New York qui vient rendre visite à sa femme lors de la fête de Noël. Mais voilà, le bâtiment est pris d'assaut par un groupe de terroristes mené par Hans Gruber. McClane seul va devoir improviser, escalader, se cacher et lutter pour sauver les otages et stopper les criminels. Bon, je sais pas si ce film est vraiment le meilleur film d'action de Noël, mais pour beaucoup, c'est une tradition de le revoir à cette époque. D'où la polémique qui l'entoure. Est-ce un film de Noël ou pas? Ça, c'est à vous de décider. Maintenant, il faut bien sûr parler du Québec aussi. Cette fois, on parle d'un film qui n'a que 10 ans. Donc, ce n'est pas un film que j'ai écouté quand j'étais adolescent. Mais c'est un film que j'ai dû rapidement classer avec mes grands classiques. C'est un peu un film Mad Max québécois, rempli de BMX et de références rétro. Indice, il y a Laurence Leboeuf qui joue le rôle d'Apple. Je ne sais pas si je vous ai donné assez d'indices pour en trouver le titre, donc on en écoute un extrait maintenant. Ton règne de justice est terminé, Turbo Rider. Pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Sauve-moi, Turbo Rider! Ton plan est voué à l'échec, Docteur Roboteur. Je vais te détruire avec mon Turbo Glove, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais je ne suis pas un robot ordinaire. Je suis une arme secrète. Ha ha ha ha! prépare-toi à subir une pleine puissance turbochargée de... Salut! Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est un comics. Ça parle de quoi? Ça parle du Turbo Rider. C'est génial! T'es tout seul? Est-ce que t'as des amis? Oh, on joue à cache-cache! Je dois y aller. Attends! Avant qu'on y aille, j'ai quelque chose à faire. Ça y est, c'est bon. T'as plus besoin de t'inquiéter. J'ai trouvé un nouvel ami. Ça va aller, je te le promets. Ici, un de mes films préférés, une coproduction Canada-Nouvelle-Zélande, le film Turbo Kid. Ah que c'est bon ce film, moi j'ai adoré. Le film est signé par le trio québécois du collectif RKSS, François Simard, Anouk Wissel et Johan Carl Wissel, connus pour leur amour du cinéma des années 80. Donc, c'est pas étonnant que l'on retrouve dans ce film un style rétro et plein de références aux années 80 que j'adore. Le synopsis du film, c'est quoi? Eh bien, dans un futur post-apocalyptique où la Terre est plongée dans un hiver nucléaire, un adolescent solitaire surnommé le Kid parcourt le désert à la recherche de reliques des années 80. Lorsqu'il rencontre Apple, joué par Laurence Leboeuf, et que celle-ci est enlevée par le tyran Zeus, le Kid devient un héros improbable, prêt à tout pour la sauver. La trame sonore, elle, est composée par le duo québécois Le Matos et elle accompagne parfaitement l'aventure avec sa musique électro pleine d'énergie. C'est tout simplement parfait. La musique complète l'univers rétro décalé du film. Donc, on va écouter un extrait où la musique s'intègre parfaitement au scénario. Dans l'extrait, le Kid invite Apple à embarquer derrière son BMX. Ils partent explorer ensemble. On va aller fouiller ensemble. Ok, il faut qu'on parle. Ok, si tu viens avec moi, tu dois suivre les règles de survie dans les terres perdues. Ok, j'adore les règles. Ok, règle numéro 1. Toujours avoir de l'eau sur soi. De l'eau, d'accord. Et règle numéro 2, ne jamais quitter la zone de sécurité. C'est trop loin, intelligent. Merci. Règle numéro 3, vélo toujours prêt à partir. Ils sont toujours prêts à partir. Oh! Yeah! Bon, je l'avoue, je suis fan de la musique du Matos. Si vous aimez ce type de musique, vous pouvez les entendre sur YouTube. Faites une recherche pour Le Matos et une de mes chansons préférées, c'est La mer des possibilités. On va écouter un petit extrait pour vous montrer à quoi vous attendre. Matos, un duo de musique électro-québécois. Et maintenant, pour clore cette émission, un dernier classique, celui-là juste avec ce court extrait, vous allez le reconnaître immédiatement. Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, Multipass. Et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des Multipass. Étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Et puis voilà, on s'aime. Lilou Dallas Multipass. Que dire de plus? C'est le film Le cinquième élément. Pour moi, dans ce film, le moment fort, c'est la fin, quand Corbin Dallas doit avouer son amour à Lilou Dallas Multipass. On se fait plaisir, donc on réécoute la finale du cinquième élément. Lilou, réveille-toi. Réveille-toi, tu as du travail. Allez. Défendre la vie jusqu'à la mort. Non, Lilou, écoute, écoute-moi. Écoute, je sais que tu es fatigué, je sais, très fatigué. Je t'emmènerai en vacances quand ça sera fini, c'est promis, de vraies vacances, on partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir, tu comprends? À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites? Pénétration dans l'atmosphère dans 40 secondes. C'est vrai, tu as raison, Lilou, mais il y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour? Oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple. Oui, l'amour mérite d'être sauvé. Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été conçue pour aimer, mais pour protéger la vie. Je n'ai que ça, je n'ai pas d'autre utilité. Mais non, c'est faux, tu te trompes. Je t'assure, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que... Dites-le lui, Corben. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de moi? Parce que... Dis-le-moi. Parce que... Dis-moi. Je t'aime. Dix, neuf, huit, sept, six... 5, 4, 3, 2, 1. Le grenier pop, trésor vintage et culture pop. C'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop.